Ouais, je fais ça, je fais un point sur mon expérience de la psychiatrie pendant le coronavirus. Ensuite, je parle du validisme en général. Et je finis sur validisme et coronavirus. Ça vous va? Dire oui, non? Ça me va. C'est pas moi. C'est OK pour vous. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, Piotr me dit enregistrement lancé, donc on commence. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus ce soir pour le Café Philo qui a pour thème le darwinisme social au sein du coronavirus et dans le capitalisme en général. Pour introduire un peu ce sujet, j'aimerais exprimer la parole d'un concerné, parce que très souvent, on dit aujourd'hui que dans la critique sociale, la parole de concerné a du poids, a de la valeur, le témoignage a de la valeur. La science qui essaye de se saisir d'un phénomène, la science humaine bien sûr, j'entends, qui essaye de se saisir d'un phénomène, le racisme, et qui donne pas la parole aux concernés, c'est une science humaine incomplète. Une science humaine objectivante qui est critiquable. Donc moi, c'est quelque chose que je vais assumer ce soir, un peu un coming out. Moi, j'ai été psychiatrisé pour des troubles polaires, et j'ai été psychiatrisé pendant le coronavirus. Et comme ce soir, je vais parler de validisme, je vais d'abord parler de la situation de la psychiatrie en général et de la psychiatrie pendant le coronavirus en particulier, pour illustrer ensuite mon propos, et c'est dans un second temps que j'entrerai dans les considérations plus générales. Donc moi, j'ai subi le confinement de plein fouet. C'est-à-dire que le confinement, pour les personnes fragiles psychiquement, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Déjà pour les personnes qui sont par exemple dans des situations familiales difficiles, comme les personnes homosexuelles qui sont rejetées par leur famille, ça peut être très compliqué pendant la crise sanitaire actuelle de se retrouver hors de chez soi. Surtout que les services d'accueil sont surchargés. Quand on est une personne transgenre aussi, rejetée par sa famille, c'est la même chose. Quand on est dans une famille où il y a des violences familiales, ça peut être extrêmement compliqué. Quand on est une femme, pour assurer une charge mentale forte, c'est très compliqué aussi parce que tout se passe à la maison. Et quand on est une femme battue, n'en parlons pas. Mais il y a aussi les personnes âgées qui subissent extrêmement violemment la solitude et finalement qui subissent extrêmement violemment le confinement. Et dans les EHPAD, les gens sont morts de solitude. Et enfin, une dernière catégorie de personnes dont moi je fais partie, les personnes qui ont des troubles psychiques. Les personnes qui ont des troubles psychiques, en effet, sont des personnes à risque pendant le confinement parce que moi, elles peuvent ne pas supporter la solitude. Et il y a aussi les personnes qui ont des handicaps physiques parce que les services sont surchargés et les aides sont moins efficaces. Mais je vais vous parler des troubles psychiques d'abord. Les troubles psychiques, c'est des troubles en fait qui accusent l'ordre capitaliste parce qu'en fait, quand on est bipolaire, on souffre de deux choses. On souffre d'un dysfonctionnement cérébral, certes, mais on souffre avant tout d'une société qui n'est pas adaptée à notre dysfonctionnement cérébral. Et en fait, le mot dysfonctionnement est mal choisi. Il faut plus parler de atypie. C'est pour ça qu'on parle de neuroatypie. Et cette atypie, elle n'est pas forcément souffrante dans une société émancipée qui prendrait en compte notre créativité, nos délires, notre façon de voir le monde, et qui ne l'invaliderait pas, ou le mot validisme, hein, d'ailleurs, qui ne l'invaliderait pas, on ne serait pas forcément souffrant. Dans une société capitaliste qui va lider les individus parce qu'ils sont productifs, parce qu'ils sont simplement efficients dans la mesure où ils sont valides et capables d'avoir un certain esprit logique, eh ben on va souffrir, on va être exclu, on va être marginalisé. C'est ce qui m'est arrivé pendant le confinement où j'ai développé des délires. Ça pour dire que j'ai été cicatrisé et que cette cicatrisation, elle a été assez violente. J'aimerais bien en dire deux mots. D'une part, dans les hôpitaux psychiatriques, les salariés. Donc les personnes qui ont un handicap physique vont être aussi invalidées infrastructurellement par un système finalement urbain qui cristallise leur exclusion. Il faut se balader avec une personne en fauteuil dans la ville pour s'en rendre compte et pour voir à quel point l'accessibilité des lieux est très peu présente et donc l'accessibilité au travail. Moi, j'avais rencontré une femme qui essayait d'être psychologue, et on lui disait, mais vous, les psychologues, vous êtes soignés. Et du coup, elle subissait le valisisme parce qu'elle était en fauteuil. Et on pensait que parce qu'elle était en fauteuil, il était soigné et non soignant. Donc même dans la sphère du travail, elle était invalidée. Enfin, dans la sphère du handicap psychique, cette fois-ci, il y a une très forte invalidation sociale, symbolique, liée à la stigmatisation de la folie, à la stigmatisation du délire, et qui est archaïque, mais qui est aussi très spécifique à la modernité, parce qu'on est dans une société rationaliste, où le fait de ne pas s'approprier en fait les outils de la rationalité instrumentale fait que on va être fortement invalidé socialement. Donc maintenant, je vais passer au dernier point. La question du coronavirus et du déterminisme social. On a vu qu'en fait s'articulaient les deux déterminations dans la crise du coronavirus, validisme au sens restreint et validisme au sens large. Moi je me suis d'abord donc. Je vais d'abord parler du darwinisme social qui permet d'articuler les deux. Le darwinisme social, c'est une idéologie qui prétend appliquer à la société la loi naturelle de la sélection des plus adaptés, c'est-à-dire seuls les plus adaptés survivent. Donc les stérilisations contraintes, l'enfermement, le confinement, voire l'extermination des inadaptés par les nazis, ou surplus, sont autant de rôles qui traversent la modernité capitaliste, et ça appartient au darwinisme social. Il ne s'agit pas de comprendre ces horreurs comme étant des accidents de parcours, mais elles sont produites par la logique même du système étatico-capitaliste. Le darwinisme social, attention, ne vient pas de Darwin, mais de Spencer, qui était un pseudo-scientifique anglais du 19e siècle, qui a appliqué la sélection naturelle aux sociétés humaines. Donc le darwinisme social, c'est un synonyme de Spencerisme. Darwin, lui, s'est opposé au Spencerisme, donc Darwin s'est opposé au darwinisme social, dans la filiation de l'homme en 1871, en rappelant que la sociabilité et l'empathie avaient été sélectionnées lors de l'évolution de l'espèce humaine. Donc, le darwinisme social, il est plus à rapprocher de Spencer, mais aussi de Galton, qui pense l'eugénisme, du malthusianisme, c'est-à-dire ce qui consiste à réduire la population. Aujourd'hui, certes, il n'existe plus dans nos sociétés occidentales de politique explicitement darwiniste sociale. Le néolibéralisme a cassé des services publics de telle sorte que un darwinisme social par le fait va s'imposer. La casse de l'hôpital public, par exemple, on a vu en temps de crise sanitaire, ça nous impose à mettre en place une forme de darwinisme social. Donc, c'est pas qu'on assume publiquement le fait de dire les dégénérés, les pauvres et les moins riches, les personnes âgées, on va les exterminer. On dit plus ça publiquement. Et par contre, les infrastructures étatico-capitalistes font que, d'une certaine manière, ça va s'imposer par le fait, et que du coup, ce darwinisme social, il est une idéologie encore opérante. D'abord, on peut s'interroger sur le discours de Boris Johnson, qui était Premier ministre du Royaume-Uni, et qui l'est encore, de Mark Rutte, qui est Premier ministre des Pays-Bas, de Blanquer, ministre français de l'Éducation nationale, mais aussi de Angela Merkel, ont proposé la stratégie de l'immunité collective. Donc ces technocrates, ils affirmaient avec une certaine indifférence que 50 à 70% de la population devrait être touchée par le Covid-19. Ça, ils disaient ça au début. Ils voulaient dire qu'en fait, d'après leurs calculs, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes allaient mourir. Ces personnes étaient les personnes en situation de handicap, qui ont des maladies chroniques, et les personnes âgées. C'est ce qu'on appelle du darwinisme social pur et dur. Et donc, ils préféraient préserver l'économie en ne confinant pas, plutôt que de subir un désastre. Alors, on a vu que l'Allemagne a plutôt bien géré la crise des soignants, des décisions atroces, donc on casse le personnel soignant, et on doit en plus faire assumer à des familles des conditions atroces de deuil et finalement des pertes irréparables. Les personnels des EHPAD ont depuis longtemps décrit une telle situation, et ils ont souvent montré, surtout les aides-soignants et aides-soignants, devenaient maltraitants et maltraitantes contre leur gré, à cause d'infrastructures structurées, conditions de travail impossibles, imposant des cadences qui ne leur permettaient pas d'agir autrement. Donc ces personnes valides, qui opèrent dans les secteurs du soin, elles vont tendre à être détruites psychiquement, à être toujours moins valides. Et le système du travail capitaliste, l'invalide les sujets qui peuvent fonctionner. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, et qui, moi, m'a intéressé. C'est-à-dire que on tend tous, plus ou moins, à devenir invalides. La société du travail, la société du salariat, fait qu'on tend tous plus ou moins à devenir invalides Et le système capitaliste, c'est un système d'invalidation complète. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure sur l'exploitation du travail et le validisme qui en découle. Et là, on voit à quel point c'est vrai en ce qui concerne les exploités soignants qui ont dû assumer des choses absolument barbares et il faudrait un syndicalisme révolutionnaire adapté pour défendre leurs intérêts et pour les protéger psychologiquement. Donc, le 21 mars, déjà, le personnel soignant dénonçait un manque de mesures sanitaires adaptées. Et là, on a encore affaire à un darwinisme social explicite. Et ils annonçaient 100 000 morts dans les EHPAD. Et pas encore à la fin du coronavirus. C'est pas encore fini. Il va peut-être y avoir un retour en octobre. Il faut rester vigilant et vigilante. Peut-être que ce chiffre n'est pas exagéré et que on n'est pas encore à l'abri d'une totale incompétence des États pour gérer cette crise. Donc il ne faut pas se réjouir trop vite. Parce que ce chiffre, évidemment, aujourd'hui n'est pas d'actualité, mais il pourrait hélas le devenir si jamais on ne prenait pas tous conscience, tous et tous conscients et conscients de cette urgence. Dans le secteur psychiatrique, le délabrement est structurel, j'en ai déjà parlé. Donc la manière dont on traite les personnes en situation de handicap psychique, dans de nombreux établissements, montre peu de considération qu'on a pour ces personnes dites invalides. Usage chimique, contention, confinement sont monnaie courante. Le déficit de moyens matériels et humains aggrave ces maltraitances et ça a été encore plus vrai pendant la crise du Covid. Il faut savoir aussi que les soignés ne pouvaient pas avoir de vie pendant la crise du Covid, du fait que d'une certaine manière, parce qu'ils n'avaient pas de vie, ils étaient structurellement invalidés parce que socialement, ils étaient coupés de leur propre. Donc, c'est aussi la question des personnes âgées qui souffrent de la solitude et qui meurent de solitude dans les EHPAD. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer, qui n'est pas réglé psychologiquement, ni infrastructurellement. Et il serait possible, dans l'absolu, d'imaginer un système de soins et de précautions pour éviter ça. Mais aujourd'hui, les personnes âgées meurent de solitude dans les EHPAD. Et cette situation n'est pas forcément la meilleure possible et ça pose des vraies questions éthiques très compliquées. Les personnes qui sont en situation de handicap physique sont confinées chez elles risquent également de souffrir d'un manque d'aide et de soins dans un contexte où le personnel soignant et les services d'aide sont surchargés, dans un contexte où les visites sont très limitées. Et maintenant, ce qui concerne la question de l'exploitation, parce que j'ai parlé d'un validisme au sens large, on va passer au validisme au sens large. On a constaté pendant le confinement la mise en place d'une forme de sélection. Outre le secteur du soin, de nombreux et nombreux salariés de l'industrie, des magasins d'alimentation, du secteur du nettoyage, de la livraison, la poste et des télécommunications, du transport, de l'aide à la personne, ont dû continuer leur travail à l'extérieur, prendre des risques pour leur propre santé et pour celle de leurs proches au quotidien. De nombreuses femmes sont en première ligne, infirmières, aides-soignantes, caissières, femmes de ménage, aides à domicile. On voit que la structure sexiste du salariat elle soulignait, le droit de retrait est devenu un mot d'ordre syndical, mais certaines personnes précaires ne pouvaient pas toujours se le permettre. En outre, pour bon nombre de ces salariés, le service rendu à la collectivité pouvait être vécu comme une mission indispensable et qu'il n'était pas forcément évident de quitter son poste. Donc les règles sanitaires n'ont pas toujours été respectées, les postiers l'ont dénoncé, les salariés d'Amazon étaient validés socialement. On peut parler aussi d'une segmentation raciale des métiers féminins que j'ai notés, c'est souvent des personnes racisées qui font ces métiers, et on a dit le validisme au sens large concerne également l'invalidation du travail non intellectuel. Les ouvriers et ouvrières, les exploités qui ne peuvent pas travailler chez elles en télétravail sont directement exposés selon un principe de sélection de fait. Cela étant, on ne peut pas forcément parler d'un luxe du confinement. Par exemple, les femmes ont subi le patriarcat de plein fouet. Les violences conjugales ont augmenté de plus de 40%. Les violences qu'ont subies les personnes homosexuelles et transgenres également parce qu'elles ont pu être chassées de leur famille dans des situations extrêmement compliquées, dans un contexte où il y avait une surcharge de l'aide sociale. Donc on ne peut pas non plus parler d'un luxe du confinement, mais on peut juste souligner que cette exploitation elle a été barbarisée. Donc un système global finalement de sélection sociale et d'exclusion qui a aussi touché les prisons. Il y a eu plusieurs émeutes et même quelques morts qui a touché les CRA. Donc là, on voit la dimension raciste du darwinisme social. un système global de sélection sociale et d'exclusion, d'invalidisation psychique et physique, de cloisonnement spatio-temporel est apparu et apparaît encore aujourd'hui. On a vu également les violences policières et un mort racisé à Béziers, et on a vu aussi aux États-Unis ce que ça donne en termes de violences policières racistes. Et ce darwinisme social-là, il se poursuit au niveau des violences policières. C'est aussi la même police qui a fracassé les soignants qui ont manifesté il y a 4 mois pour avoir plus de moyens. Donc quand on dit des héros en blouse blanche et qu'on s'appelle Emmanuel Macron, on est dans la totale dissonance cognitive. Donc toutes ces personnes exposées sont celles qui sont invalidées infrastructurellement. On peut parler d'un darwinisme social généralisé, à la fois validiste, exploitant, patriarcal, agiste, raciste, transphobe, homophobe. Ce système de sélection est bien antérieur à cette crise. La mise en place de solidarité collective, militante, conviviale ou humanitaire, néanmoins, montre également et a montré ponctuellement la persistance d'un refus radical face à la logique économique morbide. Ces formes de solidarité, de même, sont bien antérieures à la crise sanitaire actuelle. Face à une éventuelle aggravation de l'autoritarisme d'État et face à une crise économique sévère, cette forme de solidarité pourrait devenir la lutte de demain, en train de riposter pour être au pied. C'est fini, on peut se lancer, si vous voulez, dans le débat. Mais de mon côté, moi, ce que j'avais compris, c'est que certes, c'est vrai qu'il y a des... il y a le concept de neurodiversité, par exemple, qui est, me semble... qui permet de distinguer d'une part effectivement on va dire les diversités différentes de développement cérébral qui n'entraînent pas systématiquement des handicaps et qui effectivement dans ce cas-là, dans une société on va dire en quelque sorte qui se serait bien organisée, il n'y aurait pas un handicap ou une invalidité qui serait mise en avant, mais en même temps, il y a certains problèmes, on va dire, cérébraux qui, quel que soit le système, créeront des difficultés, me semble, pour la personne elle-même, indépendamment du fait qu'effectivement, elle serait mieux prise en charge, qu'elle pourrait être plus reconnue et qu'on pourrait mieux la traiter, mais je pense notamment à des problèmes, on va dire, soit de mémoire, soit d'attention, ou encore de capacité intellectuelle, vraiment, pas simplement par rapport au QI, mais qui rendent vraiment difficile la conception même de soi, le fait d'être présent. Et du coup, voilà, je sais pas ce que tu as pensé, si tu penses que c'est vraiment, en quelque sorte, s'il n'y aurait plus, le système capitaliste, il pourrait exister une organisation qui en quelque sorte permettrait de rendre moins visible ou de mieux prendre en charge ou de faire disparaître ces handicaps en étant plus accueillant des diversités, ou si c'est ou si effectivement il pourrait exister tout de même certains problèmes, certains développement cérébraux qui entraînent des problèmes qui, quel que soit le système, seront quand même un problème pour l'agent, même s'il pourra être mieux pris en charge par l'organisation. Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, il y a des autismes graves. Moi, j'ai rencontré une personne autiste à l'hôpital qui était dans un autisme extrêmement grave. Elle a 22 ans, mais elle a peut-être 2 ans d'âge mental, si je puis me permettre, même si j'aime pas dire ça. C'est quelqu'un qui mange tout ce qui passe, qui ne peut pas communiquer, qui ne parle pas. Effectivement, dans une société communiste, par exemple, cette personne aurait encore des déficits. Pour autant, est-ce qu'elle fait mal? Moi, je m'intéresse à la question de la souffrance. C'est-à-dire, cette personne souffre dans notre société, parce qu'on la traite comme une merde. On la traite clairement comme une merde. Tout ce qu'elle essaie de faire est dévalorisé, on la traite comme une merde. Et est-ce qu'elle souffrirait de la même manière dans une société post-capitaliste, prenant en compte la singularité de chacun et la créativité de chacun? Moi, je pense que la souffrance, elle serait amenuisée. Parce que on serait plus dans une société capacitiste et productiviste. Elle serait plus enfermée dans un même espace, elle pourrait voyager, elle pourrait rencontrer des personnes qui l'apprendraient telle qu'elle est. Elle serait pas dans un système, elle serait pas exclue d'un système scolaire lui-même excluant. Donc moi, je pense qu'il y a des troubles organiques qui sont irréductibles. assez d'accord avec toi. Par contre, la question de la souffrance, c'est une question spécifique et je pense que la souffrance peut être fortement diminuée. J'ai pas dit abolie, hein, parce qu'on va tous souffrir. Je crois pas à l'abolition de la souffrance. Mais par contre, la souffrance va être fortement diminuée dans les sociétés post-capitalistes. C'est ça que je dis. Les capacités vont pas être les mêmes, ça c'est sûr, et là-dessus je te rejoins. C'est comme des gens qui vont mourir à 20 ans. Ils ont une maladie grave, je sais plus, tu peux me donner des noms de maladies où tu meurs à 20 ans. Ça a 33 ans, mais oui, c'est... Huntington, voilà. Mais est-ce qu'ils vont souffrir? Ça c'est sûr. Et est-ce qu'ils vont souffrir de la même manière dans une société capitaliste? Je pense que leur souffrance sera amoindrie. Voilà. C'est ce que je pense. Et je pense aussi que la société capitaliste va amoindrir la recherche scientifique, parce que moi je crois que la recherche scientifique est très positive, hein, je ne suis pas anti-science, et va l'orienter vers le profit à travers une industrie pharmaceutique assez cynique quand même. Aujourd'hui les trois secteurs, les deux secteurs de l'industrie pharmaceutique les plus rentables, c'est pour bander mieux, les noms du médicament. Ouais, moi aussi, mais c'est assez une... Ça, c'est une... Bon, on en reparlera après, parce que je vois qu'il y a... Non, mais tout ça pour dire que la recherche scientifique est amoindrie, ouais, ouais. Que dans une société post-capitaliste, la recherche scientifique serait... exploserait et serait beaucoup plus développée. Voilà, ça, c'est ma deuxième option. Et du coup, Ludivine, vous avez posé une question, donc on écoute. Vas-y, Ludivine. Non, mais c'était pour compléter ce que vous disiez, pour faire un parallèle que je trouve un peu trompeur, mais qui peut bien fonctionner là-dessus. Par exemple, sur la question de la domination adulte dans une société post-capitaliste, donc où la domination adulte serait abolie, où il y aurait plus d'exploitation et d'oppression des enfants, où il n'y aurait pas une égalité de fait. Les enfants ont des capacités qui sont différentes des adultes, sans faire de hiérarchisation, et donc il faut s'adapter à ces capacités-là, en prenant compte de leur individualité, en pensant pas que, par exemple, tous les enfants ont les mêmes capacités sans un, et en laissant ces capacités s'exprimer, se développer, et ça peut être exactement la même chose pour les personnes avec différents types de troubles, même les troubles les plus handicapants, les plus graves, comme je disais, en réduisant la souffrance énormément, en laissant la personne pouvoir se développer, qu'on puisse développer des interactions avec elle de manière plus agréable, etc. Et pour prendre un exemple, donc un exemple qui est un cas beaucoup moins spectaculaire que ces cas-là, mais moi comment ça s'appelle dans le nouveau DSM, c'est trouble de l'acquisition et de la coordination, qu'on appelait avant la dyspraxie, qui nous handicape beaucoup à apprendre des choses physiques, techniques et précises, comme l'écriture, la parole en partie, conduire, faire de la peinture, ce genre de choses. Et ça, c'est problématique parce que dans la société, ça peut être vraiment, ça peut être handicapant sur plein de points. Etc. Et d'autant plus avec le système scolaire qui n'a pas du tout s'adapter à ces conditions-là, avec le système général qui n'a pas s'adapté, etc. Mais par exemple, pour ce type de trouble, dans une société qui peut s'adapter à mes besoins, il n'y a aucun problème. Après, pour d'autres types de troubles, il y aura besoin peut-être de médicaments si la personne est d'accord et en veut. Ça, et puis pour les cas et tout là, effectivement, voilà. Mais c'est plus, je pense, bon, déjà, comme tout le monde le disait, une diminution de la souffrance, et surtout une prise en compte des besoins, une adaptation aux besoins de la personne, quel qu'il soit, qui serait pas infantilisé, qui serait pas animalisé, etc. Et ça pousse à penser, comme toi Benoît, que ce type de choses, ou que le fait de sortir la méthode scientifique du carcan capitaliste dans lequel elle est plongée, et du carcan des deux dominations dans lequel elle est plongée, le fait d'avoir des personnes qui ont ces troubles et qui se mettent à les étudier, parce qu'elles veulent comprendre leur fonctionnement, par exemple, permettra de faire d'énormes avancées pour mieux s'adapter sur ces personnes-là, et puis d'avancer aussi de scientifiques majeurs, ce genre de choses, pour permettre de mieux s'adapter, à prendre mieux en compte les besoins, parce que pour l'instant, comme tu le disais tout à l'heure avec le cas d'une personne en fauteuil roulant qui voulait faire du soin, les personnes, qu'elles soient handicapées pour des causes physiques ou psychiques, ne sont que très minoritaires à faire du soin, alors qu'elles seraient sans doute les mieux peut-être pas les mieux adaptées, ça va dépendre du groupe qu'elles ont évidemment, mais en tout cas les mieux renseignées sur ce type de possibilités. Voilà, je veux juste compléter comme ça, je pense que le parallèle qu'on peut faire entre les enfants et certains troubles est intéressant, mais il faut justement le faire en désinfantilisant les enfants, parce que sinon on arrive dans une perspective où on va infantiliser les personnes qui ont certains troubles psychiques et c'est contraire à ce qu'on veut faire. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est effectivement, la domination agiste, c'est la plus barbare, c'est celle qui concerne les enfants. Je pense même qu'il faut s'intéresser à la domination agiste que subissent les enfants qui sont dans la haute bourgeoisie. Là, ça a été fait par les pinsons Charlot. Et du coup, comment on intériorise aussi la psychopathie ambiante? Il y a des études qui ont été faites aussi sur les enfants et des groupes de Daesh et comment ils étaient endoctrinés. Et l'enfance, c'est un endoctrinement. Et rien qu'à ce niveau-là, ça nous fait accepter cette société. Et du coup, je pense qu'à ce niveau-là, la domination agiste, elle est à la racine de toutes les dominations. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Sinon, on peut s'arrêter là, parce que peut-être que je vous ai fatigué avec mon long... Non. Je voulais juste rajouter peut-être quelque chose, c'est par rapport au déconfinement, mais c'est peut-être sur le plus général. J'ai l'impression que la logique de déconfinement qu'il y a actuellement, elle se fait non pas pour des raisons effectivement réelles de santé, mais plutôt de concurrence internationale, hein, donc alors du capitalisme. Et effectivement, si à un moment tout le monde, en quelque sorte, a une grande sortie, des grosses forces économiques, était confiné, ça allait plus ou moins à tout le monde parce que du coup ils n'étaient pas dans un rapport de concurrence vraiment très, très fort puisque finalement plus personne ne produisait. Mais à partir du moment où il y en a quelques-uns qui ont commencé à se déconfiner, à reprendre certaines formes d'activité économique importantes, ben les autres pays ont préféré se déconfiner pour rentrer dans cette logique et rattraper cette logique de concurrence capitaliste. Donc il est clair qu'à ce niveau-là, par exemple, il y a quelques pays qui, quand on regarde le temps à partir duquel ils commencent à voir le déconfinement et pourquoi est-ce qu'ils sont là, c'est clair que c'est visiblement pas tout le temps pour des raisons de santé. Quoi. Et du coup, il me semble que c'est pour les logiques internationales, c'est le même type de logique qu'on trouve en fait dans les sciences et la recherche. Des fois, on a des pays, par exemple, qui vont rentrer comme les États-Unis, dans la production, dans une orientation, par exemple, sur le transhumanisme. Et ensuite, les autres pays disent « Ah mais non, mais nous, on ne va pas faire le transhumanisme parce que c'est une mauvaise chose, c'est mal vu, en image publique, etc. » Mais en fait, ils le font quand même parce qu'il y a un rapport de concurrence mondiale au niveau de la recherche et que si les États-Unis commencent à faire une recherche dans certains domaines concernant la prolongation de la durée de la vie ou des croyances sur l'augmentation de l'intelligence ou de la force, etc., ou des capacités, les autres pays, il faut que les autres pays participent aussi à cette concurrence. Et donc ils n'emploient juste pas le mot de transhumanisme, mais ils font quand même clairement de la recherche là-dedans, dans ces domaines, avec des perspectives similaires, mais juste le mot transhumanisme n'apparaît pas, et quand on en parle, ils préfèrent dire que c'est. Ils préfèrent employer d'autres mots, d'autres termes, ou parler de recherche en général, alors qu'en fait, ils sont clairement dans une logique de concurrence. Choisi à ce niveau-là, mais qui font comme si c'était pas le cas. Complètement. Pas à ajouter. Pas à ajouter. Mais est-ce que ça vous parle, cette logique d'un validisme au sens large et au sens restreint? Parce que moi, c'est un concept que je développe depuis pas mal de temps. Est-ce que ça vous parle? Sachant qu'il y a une vraie psychiatrisation des exploités, des racisés, des femmes, des trans, des gays, des enfants, vraie cicatrisation de ces gens-là, hein, c'est pas inventé. Comme je dis à chaque fois, l'Élysée au sens large rejoint le Valdis au sens restreint. Oui. Ça vous a parlé, parce que ça, c'est ma thèse, quand même. Oui, moi j'entends ce que tu dis, je trouve que c'est une distinction pertinente. D'une part, il y aurait l'idée, effectivement, de ce que j'en ai compris, donc d'un validisme au sens restreint qui concernerait les personnes que l'on entend souvent dans le cadre de l'action, si on est associé à tel genre. Et du coup, c'est vrai que les systèmes de pouvoir peuvent se cumuler et on peut effectivement rentrer dans des dominations spécifiques dues à ces systèmes de pouvoir qui sont en place. Et ensuite, effectivement, donc il y a d'une part les comportements que le capitalisme va en quelque sorte sélectionner, les comportements déjà existants qu'il va sélectionner et qu'il va requalifier en pathologie. Et donc là, on trouve les exemples que tu avais donnés, donc historiquement sur l'homosexualité, sur les personnes trans encore aujourd'hui, sur différents domaines. Donc là, c'est une sélection des comportements déjà existants, mais qu'il va pathologiser. Et en plus, c'est vrai que dans le capitalisme, il y a une dynamique de création aussi de pathologie. C'est-à-dire pas simplement la sélection de comportements déjà existants et qu'il va requalifier en pathologie, mais aussi la création spécifique de pathologie due à des exigences du capitalisme, comme effectivement des dépressions, des burn-out ou encore des problèmes nouveaux. Qui, face à l'exigence capitaliste, sont identifiés chez les agents comme des déficits quand ils ne sont pas présents ou comme effectivement des invalidités.